franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté un jour de juillet 1976 à Marseille. Depuis, cela fait presque 40 ans maintenant, cette affaire hante la chronique judiciaire. Car si Christian Ranucci n'a jamais réussi à prouver son innocence dans le meurtre de la petite Marie Dolores, la justice n'a pas non plus prouvé sa culpabilité. Or, il est monté sur l'échafaud. C'est là tout le problème. Alors, que s'est-il passé à Marseille le 3 juin 1974? Comment a été menée l'enquête, l'instruction? Quelles ont été les pressions politiques dans cette affaire? Quel rôle a joué la pièce matérielle la plus célèbre de cette histoire, le fameux pullover rouge? Le but de cette émission, comme à l'accoutumée, n'est pas de refaire le procès de Christian Ranucci, mais de mettre en avant différents éléments de cette histoire qui emporta deux vies, celle de la victime, Marie-Dolores Rambla, puis celle de l'accusé, qui fut à l'époque, tout comme l'affaire Patrick Henry qu'elle a croisée, un élément important du débat sur l'abolition de la peine de mort. Et enfin, quelles sont donc les pressions de cette société qui à l'époque se convertit à l'idéologie sécuritaire et en appelle sans cesse à la justice pourvu qu'elle mène à la guillotine? Là sont peut-être les pires charges qui ont pesé sur Christian Ranucci. Pour y voir plus clair, nous recevrons en seconde partie Gilles Perrault, romancier, enquêteur, auteur du Pullover Rouge, un livre passionnant, le livre de référence sur l'affaire Ranucci. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Dulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouyenka, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, voix de Gilbert Collard, Philippe Pirard, réalisation Coyen Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Alice Berger, Pierre-Yves Le Rollin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. 1974, lundi 3 juin. Depuis le début du week-end de la Pentecôte, comme dans une bonne partie de la France, une vague de chaleur s'abat sur Marseille. Balayée par un vent chaud, la ville tourne ralentie. Dans cette douce torpeur, ceux qui n'ont pas pris la route pour la plage ferment les volets pour rester au frais et profitent de ce jour férié. La cité Sainte-Agnès, comme d'autres cités de Marseille, est presque déserte. Certains préparent le repas, d'autres ont pris la route vers les Calanques. Située dans le quartier des Chartreux, elle est constituée d'un ensemble d'immeubles maussades, symptomatiques des années 70, où s'entassent les classes populaires de la ville. Il n'y a ni terrain de jeu, ni terrain de sport. Ici, les enfants s'amusent devant les immeubles ou près des garages. Jean Rambla fait partie des enfants de cette cité. Ce matin-là, il joue avec sa sœur aînée, Marie-Dolores, et deux voisins. En fin de matinée, ses deux compagnons rentrent chez eux. Jean et Marie-Dolores continuent leur jeu d'enfant. Soudain, un inconnu les interpelle. Il vient d'égarer son chien noir et demande de l'aide aux deux gamins qui acceptent. Jean prend une allée, fait le tour de l'immeuble. Marie-Dolores reste avec l'homme. 5 minutes plus tard, Pierre Rambla, le père des deux enfants, retrouve son fils seul. Après avoir fait le tour du bâtiment pour rechercher le chien noir de l'inconnu, il revient à l'endroit de la rencontre. Mais ni la voiture, ni l'homme, ni la petite fille ne sont là. Le père entame alors les recherches, interpelle les passants, les voisins. Rien, rien, personne n'a vu Marie-Dolores. Il prévient la police. À 13h15, il signe sa déposition à l'hôtel de police de la ville qu'on appelle à Marseille l'évêché. Il donne quelques éléments sur sa famille, sur lui, sur la petite Marie-Dolores. Elle est âgée de 8 ans, mesure 1m30, plutôt menue, le teint clair et les cheveux longs. Elle est habillée d'un short blanc et d'une chemisette blanche. Lui est un père de famille de 4 enfants, ouvrier boulanger. Il vit au premier étage d'un petit appartement en bâtiment C7. Le seul témoin de l'enlèvement est son fils Jean. Il a 6 ans. Il se souvient d'une chose. L'homme a une Simca 1100 grise. Très vite, l'enlèvement de Marie-Dolores fait le tour de la cité. Les téléphones résonnent comme les sonnettes des appartements. On vient tous aux nouvelles. Aucun enfant ne jouera ce soir-là dans la cité, ni les jours suivants. Après les voisins, ce sont les journalistes qui frappent aux portes. La nouvelle de la disparition d'un enfant est une affaire à couvrir, bien sûr. Alors, ils débarquent les uns après les autres et ils interrogent les parents. Et même le petit Jean, le tout petit garçon, qui avec ses mots, tout simples, confirme la disparition de sa sœur, partie avec le monsieur, comme il dit. Le monsieur est arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma sœur. Après, il a dit que je cherche chez elle. Après, il a dit que je passe par là-bas. Et ma sœur, elle reste là. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus? Non. Le lendemain, le 4 juin, la photo de Marie Dolores fait la une des quotidiens et apparaît sur les écrans de télévision. À chaque journal, on entend une nouvelle fois son signalement. 1m30, corpulence mince, yeux marrons, cheveux châtain long non frisés, visage ovale et teint clair, une cicatrice très nette est visible sur l'aile droite du nez. Qui a enlevé cet enfant? Est-elle encore vivante? Ce 4 juin 1974, le visage de Marie Dolores est dans tous les esprits. Le drame de la famille Rambla devient celui de toute une ville et bientôt de tout un pays. Sur la photo, désormais à la une des journaux, Marie Dolores arbore un large sourire. Elle a le regard vif et joueur, un petit col blanc au-dessus d'un pull. Une photo officielle d'une enfance heureuse et insouciante comme nous en avons tous chacun dans nos albums photos. À l'évêché, les policiers rassemblent peu d'informations à leur disposition. Le jeune frère, Jean, raconte une nouvelle fois l'événement de la veille et réaffirme que la voiture du ravisseur est une Simca 1100 grise. Il connaît bien les voitures, l'enfant. Les policiers vérifient ses connaissances en la matière, effectivement, et lui présentent différentes photographies de voitures. Il reconnaît le modèle Simca 1100. Pourtant, ce témoignage ne convainc pas le commissaire Kuben. C'est un témoignage évidemment très léger. Du point de vue judiciaire, il est sans grande valeur, mais dans la mesure où il est donné d'une manière suffisamment spontanée, il a quand même une valeur d'indication intéressante. L'essentiel est de ne pas contraindre l'enfant à dire des choses qui ne lui viendraient pas directement à l'esprit. Vous semblez orienter votre enquête vers le fait d'un déséquilibré. Pourquoi? Quels sont les éléments qui vous permettent de déduire qu'il s'agit d'un enlèvement fait par un déséquilibré? Eh bien, pour l'instant, nous n'en sommes encore pas au stade des déductions, nous nous posons des questions, mais il est bien évident que l'enlèvement d'une enfant si jeune peut être conçu et peut être considéré comme l'œuvre d'un déséquilibré. Normalement, lorsque des enlèvements se produisent, et il y en a de temps en temps, avec tentative de viol ou viol, c'est généralement sur des jeunes filles plus âgées. La journée du 4 juin est une succession de coups de téléphone, de témoignages plus ou moins précis. Les policiers tentent de faire le tri et de cibler les informations les plus importantes. Vers 15h, les gendarmes de Roquevert, non loin de Marseille, reçoivent un coup de téléphone d'un certain Alain Aubert, qui semble pourtant bien éloigné de l'affaire. Mais cet homme les informe que la veille, il a été témoin d'un accident de circulation. À la suite d'un accrochage entre deux voitures, il a pris en charge le responsable de l'accident qui prenait la fuite. L'inconnu a abandonné sa voiture, une Peugeot 304 coupée gris métallisée, une centaine de mètres plus loin, en bordure de la route nationale 8 bis. Son numéro d'immatriculation est le 1369-SG-06. Lorsqu'il est arrivé à sa hauteur, l'homme s'est enfui vers les bois. Et c'est à ce moment-là qu'Alain Aubert a remarqué que l'inconnu transportait un paquet assez volumineux. L'information est prise en compte, puis transmise à la gendarmerie de Gréasc, une bourgade proche d'Aix-en-Provence. Au journal du soir, Pierre Rambla, le père de famille, lance un appel au ravisseur devant les caméras de France 3. Espérons bien que le monsieur qui l'a pris ma fille me la ramène vivante, que c'est l'unique chose que je lui demande. Voilà. En ce moment, il vous écoute peut-être. Si il y a un cœur, comme si un père de famille a des enfants, il voudra bien. Comme ça coûte un enfant, alors, en ce moment, je ne demande pas qu'à mon Dieu que me retourne ma fille. Et si je ne sais pas un père de famille, si c'est un homme qui est célibataire, quand même, une fille de 8 ans, qu'est-ce que vous faites avec une fille de 8 ans? Vous laissez dans l'état que vous sont les parents, comment vous faites vous? Alors, priez de vous amener ma fille, parce que moi, en ce moment, je suis malade, et je suis contente, vous savez. Alors, si vous tuez ma fille, vous le faites quelque chose à ma fille, alors je ne sais pas ce que je ferai moi, je me tuerai moi-même aussi. Pierre Rambla est un immigré espagnol, ouvrier, boulanger, ne roule pas sur l'or, ce qui éloigne l'idée d'un rapt et d'une rançon. Cela fait bientôt 24 heures qu'il n'a pas de nouvelles de sa fille. Il entame sa seconde nuit blanche. Le lendemain, des premiers suspects sont arrêtés, tous propriétaires d'une Simca 1100 grise. Ils sont amenés, puis interrogés à l'évêché. Vers 10h du matin, la gendarmerie de Gréasque reçoit un coup de téléphone d'un homme, Vincent Martinez. Il y a deux jours, le 3 juin, il a porté plainte dans cette même gendarmerie à la suite d'un accident de voiture, une nouvelle fois. Ce jour-là, il roule en compagnie de sa petite amie sur la Nationale 96. Ils viennent d'Aix-en-Provence. Au croisement avec la Nationale 8 bis, une voiture, un coupé Peugeot 304, grille, stoppe et les percute. La Peugeot fait un tête-à-queue complet et prend la fuite. Une voiture, celle du couple Aubert que nous évoquions il y a quelques minutes, prend alors en chasse le fuyard et revient peu après avec l'immatriculation. Lors du dépôt de sa plainte, Vincent Martinez indique que l'homme qui a percuté sa voiture semblait être seul à bord. Deux jours plus tard, le 5 juin, il change d'avis. Il pense désormais qu'un enfant pouvait se trouver à l'intérieur du véhicule. Les gendarmes de Gréasque contactent alors les Aubert qui confirment les informations et précisent le lieu. Vers 15h, les gendarmes sont informés de l'identité de l'automobiliste. Il s'agit de Christian Ranucci. Il a 20 ans, il est représentant de commerce et vit à Nice. Il contacte alors leurs collègues niçois pour qu'ils interrogent le jeune homme. La route nationale 8 bis est une succession de virages. À 1500 mètres du carrefour où a eu lieu l'accident, il y a un chemin de terre qui mène à une champignonnière, celle de M. Guazzone. Le 3 juin, jour de l'enlèvement, M. Guazzone est venu également voir les gendarmes. La voiture d'un jeune homme, une Peugeot 304 coupée grise, était enlisée dans la galerie où il cultive ses champignons. L'homme en question était seul. Sa voiture était endommagée. M. Guazzone n'est pas convaincu par les raisons qui ont amené l'inconnu à bloquer sa voiture au milieu de sa galerie dans sa propriété. Bizarre. C'est pourquoi il en informe les gendarmes. À la suite de ces témoignages, les gendarmes lancent des recherches aux alentours du lieu de l'accident et de la champignonnière. Après quelques minutes, ils découvrent à l'intérieur de la galerie où était enlisée la voiture, derrière quelques planches, un pull-over rouge. Une autre équipe scrute les bas-côtés, examine les broussailles aux alentours de la route nationale 8 bis. Et vers 15h45, l'un des gendarmes sent quelque chose sous ses pieds. Il écarte le branchage et découvre le corps d'un enfant. Le visage est tuméfié, couvert de sang. On retrouve les pierres ensanglantées qui lui ont brisé le crâne, mais pas le couteau qui l'a égorgé. Le corps est habillé avec les vêtements qui semblent être ceux de la petite Marie Dolores. Pierre Rambla, le père de famille, est alors conduit sur les lieux pour identifier le corps. Les caméras et les photographes sont présents. Quelques minutes après son arrivée, Pierre Rambla réapparaît en larmes, dévasté. C'est bien le corps de Marie Dolores que l'on vient de découvrir. Terrassé, il n'arrive plus à marcher seul. Une image qui marquera longtemps les témoins de la scène, policiers comme journalistes. Le 5 juin, d'autres témoignages sont enregistrés à l'évêché, notamment celui d'un garagiste, Eugène Spinelli. Il dit avoir assisté à l'enlèvement de la petite Marie Dolores. Le 3 juin, vers 10h50, il a vu une fillette prendre place dans une Simca 1100 grise avec un homme d'une trentaine d'années. La fillette serait montée d'elle-même dans la voiture. Pourtant, ce soir-là, le principal suspect, le propriétaire de la Peugeot 304 coupée grise, c'est la conviction, en tout cas, du commissaire Cubaine. Nous avons une piste sérieuse. Le conducteur d'une voiture automobile dont nous possédons le numéro et qui avait à son bord une fillette a abandonné cette voiture et s'est enfui dans la montagne quelques heures après l'enlèvement à Marseille. Nous pensons donc que le ravisseur peut-être, je ne suis pas encore pour cette catégorie, le propriétaire de la voiture en question, et nous avons procédé à l'identification, nous sommes en train de le faire. Et s'il s'agit d'une voiture volée, ce qui est probable ? Ce n'est pas tellement probable, parce que nous nous sommes renseignés aussi de ce côté-là, et il n'y a pas eu de déclaration de vol à ma connaissance. L'homme au coupé 304 Peugeot qui avait été repéré seul par les témoins de l'accident ne l'est plus désormais. Selon le commissaire, Christian Ranucci était avec une fillette. Ranucci est donc arrêté à 18h30 à Nice, chez sa mère, où il vit. Au commissariat, il avoue l'accident, sa présence dans la champignonnière, l'aide de M. Guazzone, mais réfute toute implication dans l'enlèvement. Sa voiture est fouillée, on y trouve un couteau au Pinel, quatre lanières de cuir qui sont en fait un Scooby-Doo, des affaires personnelles et deux cheveux, l'un effoncé et raide, l'autre de teinte claire bouclé comme un cheveu d'enfant. Après ce premier interrogatoire, Christian Ranucci est amené à Marseille, où il est de nouveau interrogé. 6 juin, Marseille. Depuis la veille et l'annonce de l'arrestation de Christian Ranucci, c'est l'effervescence devant l'hôtel de police. Les journalistes de toute la France sont sur place. Dans les couloirs de l'évêché, chacun cherche des informations sur le suspect, l'avancée de l'enquête, des preuves, des pistes. Les photographes, eux, tentent de shooter celui qu'on présente comme le monstre, le tueur d'enfants. Ranucci est interrogé par le commissaire Alessandra et son adjoint, l'inspecteur divisionnaire Porte. Mais le suspect ne dévie pas de sa première déposition. Il reconnaît l'accident, il reconnaît la fuite. Il était seul dans la voiture, il n'a pas de pull-over rouge. Les enquêteurs convoquent alors les deux témoins de l'enlèvement, le frère de la victime, Jean, et le garagiste, Eugène Spinelli, pour voir s'ils reconnaissent Ranucci. À 13h, France Inter donne le résultat de cette confrontation. Rebondissement dans l'affaire de l'assassinat de la petite Maria Dolores, enlevée le lundi de Pentecôte à Marseille. Hier soir, après un accident de la route, la police avait arrêté à Nice un jeune homme de 20 ans, Christian Ranucci, qui avait contre lui tout un faisceau de présomptions. Mais Jean Rambla, le petit frère de Maria Dolores, qui vient d'être confronté avec lui, est formel. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Ranucci qui a kidnappé sa sœur. D'ailleurs, comme le confirme à notre correspondant Robert Pietri, le commissaire divisionnaire Jacques Cubet, Ranucci a toujours nié depuis son arrestation. Il nie formellement toute participation à l'enlèvement, bien sûr, et toute responsabilité dans le meurtre de cet enfant. Mais il reconnaît avoir été dans la voiture au moment de l'accident. Donc, par conséquent, il y a un certain nombre d'invraisemblances dont, à mon sens, il lui sera difficile de s'évader. Est-ce qu'il nie également avoir eu une fillette à bord de sa voiture ? Je crois qu'il le nie, effectivement, mais des témoins affirment que l'enfant se trouvait dans la voiture et nous allons recevoir leur déclaration par procès-verbal. Les témoins dont parle le commissaire, c'est le couple Aubert. Oui, rappelez-vous, ce sont eux qui ont suivi Ranucci après l'accident. Ce sont eux qui ont noté son immatriculation et l'ont vu s'enfuir dans les bois. Ils arrivent au début de l'après-midi au commissariat. Même principe que pour les témoins du matin, Ranucci l'aurait présenté avec d'autres jeunes hommes. Ils ne le reconnaissent pas. Puis, une heure plus tard, il est de nouveau présenté au couple. Et là, l'homme et la femme sont formels. C'est bien Christian Ranucci qui a pris la fuite dans les bois après l'accident. Bingo, les enquêteurs ont leur coupable. Ils ne le lâcheront plus. À la suite de cette reconnaissance, le couple est une nouvelle fois interrogé, séparément cette fois, sur l'événement du 3 juin. De nouveaux détails apparaissent dans leur déposition. Le paquet volumineux que transportait l'homme est devenu un enfant, portant un short ou une culotte blanche. Seul M. Aubert est sorti de la voiture. Pourtant, sa femme a entendu la voix fluette d'un enfant. Après ces dépositions, Christian Ranucci est une nouvelle fois questionné. À 19h, les inspecteurs annoncent l'épilogue de cette journée. Cette malheureuse et douloureuse affaire vient de connaître son épilogue. Tout au moins son épilogue dans la phase des recherches, puisque l'auteur présumé vient de passer des aveux. Je pense que le mieux, c'est que le commissaire Alessandra, mon collègue de la Sûreté urbaine, et l'inspecteur divisionnaire Porte, qui ont mené entièrement l'enquête depuis le début, puissent vous dire dans quelles conditions cette phase ultime a été atteinte. Il s'est trouvé que dans la matinée, nous avons pu identifier et entendre deux automobilistes, deux personnes qui venaient spécialement de Toulon, et qui ont pu apporter leur témoignage, au terme duquel il s'avérait que ces personnes avaient aperçu le mis en cause, n'est-ce pas, quitter son véhicule et s'enfuir dans les collines, entraînant avec lui une fillette, n'est-ce pas. Donc ce témoignage était extrêmement important, nous avons recueilli ce témoignage, nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause, et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Rectifions 2 points après cette déclaration. Christian Ranucci n'a pas avoué après 4 heures d'interrogatoire, mais après 19 heures de garde à vue. Jean Rambla n'est pas le seul à n'avoir pas reconnu Christian Ranucci comme l'homme ayant enlevé sa sœur. Le garagiste témoin d'enlèvement non plus. Pourtant, Christian Ranucci avoue. Dans sa déposition, il donne l'endroit où il aurait jeté son couteau. L'ustensile est retrouvé. Des traces de sang sont présentes sur la lame. Christian Ranucci est ensuite présenté à la juge Di Marino. Il réitère ses aveux. On l'emmène en prison, c'est sa première nuit au Baumettes, il lui en reste 783. Trois semaines après les faits, une reconstitution est organisée sur les lieux du crime. Christian Ranucci est présent avec son avocat, Maître Le Forçonnet. Jeune, inexpérimenté, il a accepté de défendre Ranucci. Il sera accompagné un peu plus tard dans cette tâche par Maître Lombard. Lors de cette reconstitution, Christian Ranucci ne se souvient plus de rien. Lorsqu'on lui demande de montrer comment il a assassiné Marie Dolores, il s'effondre devant la poupée de chiffon qu'on lui présente. Six mois après, à l'occasion du témoignage récapitulatif, Christian Ranucci revient sur ses aveux devant la juge d'instruction. Là, il indique qu'il a été forcé par les policiers. Il ne se souvient pas avoir enlevé quiconque, ni d'avoir frappé mortellement quelqu'un. À la fin de l'instruction de la juge, les questions restent sans réponse. Pourquoi Christian Ranucci a-t-il repris sa vie après l'accident comme si rien ne s'était passé? Pourquoi a-t-il sans crainte demandé de l'aide lorsque sa voiture est enlisée près du lieu du crime? Qui est le propriétaire du pull-over rouge? Qui est l'homme de la Simca 1100 qui était au cœur des premières heures de recherche? Tu as volé mon enfant, verser le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat, j'aurai ta peau, tu périras. Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour. Tu as volé mon enfant, verser le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile, te pardonneront, mais pas moi. C'est le mardi 9 mars 1976 que s'ouvre le procès de Christian Ranucci, l'auteur présumé de l'enlèvement et de l'assassinat de Marie-Dolores Rambla. Depuis 7 heures du matin, une foule s'est amassée devant le palais de justice d'Aix-en-Provence. Sur le banc des avocats, on trouve le jeune Gilbert Collard qui vient de récupérer le dossier de la famille Rambla au titre des parties civiles, remplaçant un collègue au pied levé. Sur le banc d'en face, c'est Maître Le Forcené et Maître Lombard qui sont en charge de la défense de Christian Ranucci. À 9h, le président Antonin ouvre l'audience. Après la traditionnelle biographie de l'accusé, révélant une enfance mouvementée, sans repère masculin, élevée par une mère omniprésente et sortant à peine de ses jupons, le président l'interroge sur sa journée du 3 juin 1974, le jour du drame. Et comme devant la juge d'instruction, Christian Ranucci nie en bloc et va plus loin en accusant les inspecteurs de l'avoir torturé. 19h interrogatoire, dit-il. Les propos de l'accusé sont confus et ne servent pas à sa défense. Christian Ranucci parle d'une soirée bien arrosée la veille, d'un état de fatigue important, puis de trous de mémoire. Pourquoi a-t-il pris la fuite après l'accident? Pour ne pas perdre son permis, indispensable pour son travail? Que s'est-il passé après? Il a repris la route, puis s'est arrêté sur le bas-côté. Il s'évanouit ensuite à cause du choc et de la fatigue. Enfin, il ne se souvient pas avoir été poursuivi, ni comment il est arrivé dans la champignonnière. Les journalistes découvrent alors un homme de 21 ans, sûr de lui, réfutant toutes les affirmations du président. Ils ont du mal à croire à cette cuite, surtout qu'il reste toujours ce couteau et ce pantalon retrouvés avec des taches de sang, et puis ses aveux à la juge d'instruction et au médecin. Mauvaise posture. Le procès se poursuit, les témoins se succèdent à la barre, jusqu'au témoignage des époux Aubert. C'est autour de leur déposition que se fonde toute l'accusation contre Christian Ranucci. Depuis le début de l'affaire, ils sont l'objet de toutes les attentions et n'hésitent pas à prendre la parole devant les journalistes, comme ce fut le cas au micro de France Inter le jour de la découverte du corps de la petite Rambla. Écoutez Aline Aubert. Mon mari a vu qu'il portait un short blanc. C'est d'ailleurs pour ça que nous pensions même qu'il s'agissait d'un enfant plus jeune. Parce que la façon dont il a happé de la porte arrière et l'a emporté dans ses bras, on avait l'impression que c'était un enfant jeune qui nous a fait un peu hésiter. Mais enfin, on a dit qu'il vaut mieux téléphoner pour rien et malheureusement, oui. Il s'est avéré que... Mais ils ont disparu dans les bois. Oui, cette histoire m'a vraiment bouleversée. Parce que mon mari voulait vraiment poursuivre cet homme dans les bois. C'est un garçon jeune et je lui me suis totalement opposée. Près de 2 ans après les faits, les propos du couple Aubert n'ont pas évolué. À la suite de leur témoignage, Maître Lombard décortique avec précision chacun de leurs propos. Il rappelle aux jurés leur première déclaration. L'homme s'était enfui avec un paquet volumineux et non pas un enfant. La précision des vêtements est intervenue après le signalement de Marie Dolorès dans la presse. Et puis un autre point cloche. Au micro de France Inter, Aline Aubert indique que l'enfant a été happé de la porte arrière de la voiture. Pourtant, la voiture de Christian Ranucci est un coupé Peugeot. Elle n'a pas de porte arrière. Maître Lombard poursuit sa démonstration et pointe les différentes variations dans les déclarations du couple. La voix fluette entendue par la femme alors qu'elle est restée à l'intérieur de la voiture. L'inconnu qui serait sorti de la porte conducteur pourtant bloquée et inutilisable à la suite de l'accident. Une seule chose demeure dans ces différentes déclarations. Le couple n'a entendu aucun cri. Pourtant, quelle serait la réaction d'un enfant seul avec un inconnu à la suite d'un accident, tiré d'une voiture, pourchassé puis transporté en courant dans un bois? Le silence? Non, certainement pas. Peu avant 20h, le président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence suspend l'audience. Le lendemain, les avocats de la défense pensent avoir une carte qui peut changer la donne. Ils appellent à la barre Jeannine Mattei. Madame Mattei habite la cité des Tilleuls à Saint-Jérôme, non loin de la cité Sainte-Agnès. 2 jours avant l'enlèvement de Marie-Dolorès Rambla, elle est témoin d'un drôle de manège. Un homme essaie de faire entrer de force un gamin de la cité dans sa voiture. Les cris de l'enfant obligent l'inconnu à prendre la fuite à bord de sa Simca 1100 grise. L'homme a un pull-over rouge et un pantalon vert foncé. Après cet événement, Madame Mattei apprend que la veille, l'homme était déjà dans la cité. Il a interpellé sa fille et l'une de ses amies, prétextant la perte de son chien noir. Lorsqu'elle apprend la disparition de Marie-Dolorès Rambla, Madame Mattei se rend au commissariat pour déposer une plainte. Le jour de l'arrestation de Ranucci, on la rappelle pour confronter le suspect à sa fille. Or, elle ne le reconnaît pas. Ranucci n'est pas l'homme au pull vert rouge qui a abordé sa fille. Avec ce nouveau témoignage, les avocats pensent briser la certitude de la culpabilité qui entoure leur client. Mais la justice n'est pas seulement une affaire de faits, elle est aussi une scène où chacun joue un rôle devant les jurés. Et le plus honnête des témoins peut parfois être le pire agent de la vérité. Ce fut le cas ce jour-là. Madame Mattei, stressée sans doute par la situation et l'ambiance qui règne autour de ce procès, semble réciter une partition qu'on lui aurait dictée. Maître Collard s'est fait alors un plaisir de remettre en cause ses propos. Son fils est en prison au Baumettes, comme Ranucci. Alors, pour l'avocat, ce témoignage n'est pas crédible. Pourtant, Madame Mattei n'est pas la seule à avoir remarqué cet homme au pull vert rouge dans la cité. Ensuite, c'est un certain Paul Martel qui est appelé à la barre. Lui, il est gardien dans un ensemble d'immeubles à Marseille. Le 1er juin 1974, il a pris en chasse un homme qui venait de s'adonner à des attouchements sur 2 jeunes filles. Cet homme avait un pull-over rouge et une Simca 1100 grise. Encore. Le lendemain, il témoigne à l'évêché avec les 2 filles et le père des enfants. On le rappelle le 6 juin pour le confronter à Ranucci. Or, il ne le reconnaît pas, lui non plus. 8 ans plus tard, il est toujours aussi affirmatif au micro d'un journaliste de TF1. L'homme au pull-over rouge n'est pas Ranucci. Vous savez qu'on a retrouvé sur les lieux du crime de la petite Maria Dolores un pull-over rouge. Oui, j'ai suivi l'affaire. C'était donc le même pull-over, à votre avis, que celui que portait l'homme que vous avez vu? Le pull-over qu'ils m'ont présenté, c'est le pull-over exact qui était sur ce type-là que j'ai vu. Le pull-over rouge. Comment expliquez-vous ça, alors? Ma foi, ça me paraît bizarre. Ça ne vous a pas semblé curieux qu'on ne prenne pas en considération votre témoignage? Ça m'a paru un peu louche, moi. D'après mes idées à moi, j'ai dit, ma foi, ils ont l'air de vouloir trouver un coupable, quoi. L'ombre de l'inconnu au pull vert rouge plane sur le procès, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais les témoignages de la défense n'ont pas obtenu l'effet escompté. Rien ne semble vouloir innocenter Ranucci du crime de Marie Dolorès Rambla. Désormais, c'est la hauteur de la sentence qui se joue. Christian Ranucci risque la mort, car en France, alors que tant de voisins européens se sont débarrassés de la peine capitale, elle est toujours de mise et elle plaît encore au cœur des années 70. Tout se jouera lors des plaidoiries. Gilbert Collard, avocat de la partie civile, est le premier à prendre la parole. Il est jeune, à peine plus vieux que l'accusé. C'est l'une de ses premières plaidoiries et elle est magistrale, selon les journalistes sur place. Trop de présomptions, trop de preuves, trop de témoignages, trop d'aveux. Vous avez avoué devant la police, Ranucci. Vous avez avoué devant le juge d'instruction. Vous avez avoué devant les experts psychiatres. Vous avez 20 ans au moment des faits. Votre âge m'émeut, c'est presque le mien. Ranucci, je ne supporte pas de suivre avec vous ce terrible chemin. Je voudrais que vous me disiez que vous avez fait cela et puis que nous essayions ensemble de comprendre comment est morte une enfant de 8 ans. Mais ne restez pas ainsi, Ranucci, je vous en conjure. Implorez votre pardon, dites quelque chose, parlez. Puis il conclut par cette phrase. Je veux que Ranucci se souvienne de son crime, de la mort de Marie Dolores, forme éternelle de l'innocence. Je veux pour lui un chagrin et un repentir qui ne finissent jamais. En quelques mots, sans le dire explicitement, car sa fonction d'avocat de la partie civile ne le lui permet pas, il indique quand même à la cour le chemin à suivre concernant l'accusé. Or, ce chemin peut rencontrer l'échafaud. La peine de mort, parlons-en. C'est un clivage au sein de la société française, un clivage puissant qui revient régulièrement sur le devant de la scène au fil de l'actualité. C'est le cas lors du procès de Christian Ranucci, avec une circonstance terriblement aggravante pour lui. 6 semaines avant l'ouverture du procès, en effet, un autre enfant, Philippe Bertrand, est enlevé à la sortie de l'école. Son corps est retrouvé le 17 février 1976. Le lendemain, aux 20h, à 3 reprises, le présentateur du journal, Roger Giquel, lance « La France a peur ». Le coupable s'appelle Patrick Henry, il a 23 ans. L'affaire n'a aucun rapport avec Christian Ranucci, si ce n'est la mort d'un enfant, enjeu énorme, mais dans des circonstances totalement différentes de l'affaire Ranucci. Seulement voilà. La France cède à la tentation de la vengeance, celle de la mort immédiate, sans concession, sans explication, la loi du talion. Dans les colonnes de nos journaux, sur les plateaux de télévision, on réclame la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Certains en feront même des chansons à succès. Non, Christian Ranucci n'est pas Patrick Henry, mais comme lui, il est accusé du pire des crimes, l'infanticide. Devant le palais de justice d'Aix-en-Provence, des inconnus venus de toute la France réclament la tête de l'assassin présumé de Marie Dolores. Et l'avocat général répond positivement à cette demande de l'opinion. À la fin de son réquisitoire, il réclame la peine maximale, la peine de mort. Maître Lombard, maître le forcené, n'y pourront rien. Chacun dans leur style, ils tentent, lors de leur plaidoirie, d'instiller le doute dans l'esprit des jurés, de briser les certitudes, jusqu'à jouer une double carte, celle de l'innocence comme celle de l'irresponsabilité. Maître Lombard rappelle l'existence de l'homme au pull vert rouge, de la Simca 1100, des différents témoins qui ne l'ont pas reconnu. Puis il conclut sa plaidoirie par ces mots de Victor Hugo. Le sang se lave avec les larmes, non avec le sang. Tant que la peine de mort existera, la nuit règnera dans la cour d'assises. Ce jour-là, le 10 mars 1976, la nuit tombe, à 20h15, Christian Ranucci est condamné à la peine de mort. À la sortie de l'audience, Maître Lombard n'abdique pas. Aucun commentaire à faire. Je vais simplement conseiller à mon client d'user du voie de recours que la loi donne aux condamnés dans pareilles circonstances, c'est-à-dire d'interjeter un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Enfin, ce verdict vous déçoit beaucoup. Je n'ai pas à commenter un verdict rendu par la justice de mon pays. Je suis naturellement déçu, mais je vais essayer d'user, dans l'intérêt de ce jeune homme, de toutes les ressources que me donne la loi. Mais le 17 juin, la cassation est rejetée. Le seul espoir de Ranucci, le dernier, c'est la grâce présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing refuse de l'accorder. Il n'y a plus de recours, on prépare la guillotine. Le 28 juillet 1976, dans sa cellule, Christian Ranucci dort comme d'habitude face au mur à l'abri de la lumière électrique. Vers 4h du matin, on le réveille. On lui passe les menottes. Il sursaute, crie, s'insurge, puis comprend en voyant la colonne d'invités présents. Il reconnaît ses avocats, le président de la cour d'assises, le contrôleur général Cubaine, le juge d'instruction Pierre Michel, qui a succédé à Mademoiselle Di Marino. Lors de la procession, avant l'exécution, les avocats s'entretiennent avec le condamné. Christian Ranucci réaffirme son innocence. Eux lui promettent sa réhabilitation. Mais c'est à sa mort qu'il faut maintenant le préparer. Ils essayent de le rassurer, mais Christian Ranucci refuse de gagner du temps. Il repousse ses habits préparés pour l'occasion, décline la messe, puis repousse le verre d'alcool. On lui coupe les cheveux pour lui dégager la nuque. Puis on le place sur la planche, le bourreau appuie sur un bouton, et c'est la mort, et c'est la peine. Il est 4h13, la guillotine vient de faire son œuvre. Pendant les jours qui suivent, le débat sur la peine de mort reprend avec vigueur. Jean Le Canuet, ministre de la Justice de Valéry Giscard d'Estaing, exprime son soutien au président qui a laissé la justice suivre son cours, comme on dit, comme il dit. 5 ans plus tard, en 1981, la gauche au pouvoir abolit la peine de mort. Robert Badinter, nouveau garde des Sceaux et porteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, était l'avocat de Patrick Henry. Lors de son procès, il avait convaincu les jurés de ne pas le condamner à la peine capitale. Aujourd'hui, la peine de mort n'est plus en débat en France, mais un doute entoure toujours la culpabilité de Christian Ranucci dans le meurtre de la jeune Marie Dolores Rambla. Qui était cet homme au pull-over rouge? Était-il présent ce 3 juin 1974 aux abords de la route nationale 8 bis? A-t-il rencontré Christian Ranucci? Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Ah oui, non, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà, c'est Gilles Perrault que vous entendez, Gilles Perrault qui est notre invité. Bonjour Gilles Perrault, merci d'être venu. Je sais que vous vivez en Basse-Normandie, vous avez pris le train ce matin pour venir à cette émission, puis vous repartez dans une heure en Basse-Normandie. L'affaire Ranucci vous tient autant à cœur, si longtemps après. Oui, absolument. J'ai été mobilisé par cette affaire au sens militaire du terme, presque. Et voilà, je répondrai toujours présent quand il s'agit de témoigner sur le drame vécu par Christian Ranucci. C'est le minimum. Voilà. Donc il faut dire, à propos de Christian Ranucci, qu'on soit bien clair, la justice n'a jamais réussi à prouver sa culpabilité. Il était condamné à mort. Ça, c'est le drame. Mais on n'a jamais réussi à prouver non plus son innocence. Je pense qu'il faut être honnête et partir de cette base-là. Écoutez, si je pouvais vous dire, j'ai la preuve qu'il était à New York le jour où la petite Marie Dolores a été assassinée, ce serait la preuve de... Mais il n'était pas à New York. Faire la preuve d'une innocence, c'est très difficile. Bon, donc évidemment qu'il y a une coïncidence. Il y a eu cet accident de voiture, il a été victime de coïncidence. Mais... C'est quand même à l'accusation de prouver la culpabilité de quelqu'un. Ça, c'est la base du droit pénal. S'il y a le moindre doute, on ne peut pas condamner. Le code le dit. Bon, donc il est vrai que on ne peut pas apporter la preuve de l'innocence de Christian Ranucci, mais je dirais que ce qu'on a pu considérer à un moment comme les preuves de sa culpabilité, tout ça s'est effondré, tout ça ne tient plus. Votre conviction, vous, votre intime conviction, parce qu'on parle souvent d'intime conviction dans les affaires de justice, c'est qu'il n'est pas coupable. C'est qu'il est innocent. Je n'ai pas toujours eu cette conviction. Quand j'écris Le Poulevet Rouge en 1978, j'ai un doute. Ma femme pourrait vous le dire, je lui disais, mais 10 fois par jour, tantôt il est coupable, tantôt il est innocent. Le doute, mais le doute doit profiter à l'accusé. Là aussi, c'est la base élémentaire de tout droit pénal. Bon, mais nous avons continué à travailler depuis 1978, nous, un petit groupe très attaché à cette affaire. On a découvert des tas de choses qui toutes, c'est significatif, vont dans le sens de l'innocence. Alors là, oui, aujourd'hui, je puis vous dire que ma conviction intime, c'est qu'il ne peut pas être coupable. Parce que le dossier de l'accusation ne tient plus debout. Alors, sur l'accusation, justement, on va écouter quelque chose tout à l'heure et on va réagir. Mais avant, vous dites, on a travaillé après le jugement et on a vu un tas de choses qui nous ont prouvé qu'il était innocent. On n'a pas le temps de voir un tas de choses. Un élément, par exemple. Un élément. Écoutez, l'évidence de l'existence de l'homme au poulevet rouge. Bien sûr. Le fait que la voiture du ravisseur, n'était pas un coupé Peugeot, mais une Simca 1100. Bon. Et puis, je dirais des choses. Par exemple, voyez-vous, c'est Michel Drache, qui n'était pas un enquêteur, qui n'était pas un policier, qui a fait un film. Qui était réalisateur, il a regardé ce dossier que les avocats ont beaucoup étudié, bien entendu, et moi, encore plus que tout le monde, je dirais, puisque j'ai passé des années dessus. Bon, il a trouvé quelque chose. La date de la mort, l'heure de la mort, le moment de la mort n'est pas indiqué dans le rapport du médecin légiste. C'est affolant, parce que la mission du médecin légiste, c'est de dire d'abord comment est intervenue la mort ? Coup de couteau, balle, enfin, etc. Et puis, une évaluation de l'heure de la mort et du jour de la mort élémentaire. Tout ça avec l'analyse du bol alimentaire. Et Michel Drache voit que les médecins légistes ont bien pratiqué l'extraction du bol alimentaire pour analyse et ils ne donnent pas résultat. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui quel jour exactement Marie Dolores est morte. Ce peut être le 3 juin. Ce peut être le 4, non. Le 5, non. Mais ça peut être le 3 ou le 4 juin. À quelle heure, on ne sait pas. C'est fou tout de même. Alors, on l'a vu, effectivement, il y a tout un écheveau de choses bizarres dans cette enquête. On va dire bizarres. Tout ce qui a créé le malaise. Et alors, qui a convaincu Maître Lombard d'assurer la défense de Ranucci au procès, de la construire autour de l'innocence de l'accusé, donc de l'acquittement, pas de demi-mesure. Alors, on va écouter ensemble un extrait du film de Michel Drache, qui est tiré de votre livre, d'ailleurs. Et l'acteur qui incarne Maître Lombard parle à des journalistes et fait la somme des éléments troublants, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un bon résumé. Justement, c'est pas clair. Il y a dans le dossier des procès-verbaux de saisie du couteau le jour du ratissage. Donc avant l'arrestation de Ranucci. Avant les aveux ? Vous êtes sûr ? Parfaitement. Mais et le pantalon taché de sang du groupe sanguin de la petite ? C'est le sien aussi. D'ailleurs, si ça avait été le sang de la victime, Ranucci en aurait été couvert. Réfléchissez. La carotide tranchée. Écoutez, maître. Allez pas me faire croire qu'on va s'enterrer en marche arrière pendant 4 heures dans cette champignonnière sous prétexte qu'on a grillé un stock. Non ? Ça, je sais. Et les aveux ? Il a avoué devant la police, devant le juge, devant les psychiatres. Au bout de 20 heures. Vous savez bien ce que ça vaut, les aveux. Jean-Marie Deveau aussi avait avoué, et tant d'autres. Et les témoins ? Oui, les témoins. Ah, parlons-en des témoins. Le petit frère et le garagiste sont d'accord. Simca 1100. Et c'est un garagiste qui parle. Et ils sont formels. C'est Paranucci. Et le témoignage Garnier ? Je les ai rencontrés, les Garnier. Ils sont bien. Ah, mais ça tient pas debout, leur témoignage. D'ailleurs, vous allez voir au procès. Non, ce qui me gêne, c'est que le numéro d'immatriculation, c'est eux qui l'ont relevé. Et c'était bien celui de Ranucci. Comment donc ? Reynaud leur avait donné à vérifier. Et l'homme au pull vert rouge en tout ça. Il joue forcément un rôle dans cette histoire. Oui. On n'en parle plus parce que ça ne peut pas être Ranucci. Pas un procès verbal. Rien du tout dans le dossier. On a totalement escamoté l'homme au pull vert rouge. Comment l'avez-vous su ? Grâce au témoignage de Madame Andry. Elle avait fait une déclaration à la police. Oui, mais le malheur, c'est que le procès verbal a disparu. Comme tout ce qui ne collait pas avec la culpabilité de Ranucci. Voilà, Gilbert. Le pullover rouge, quel rôle a joué cet élément dont vous avez fait le titre de votre livre d'ailleurs, le pullover rouge. Ce pullover rouge qu'on découvre dans la galerie de la champignonnière, derrière des panneaux, qui n'est pas du tout moisi, qui est donc été posé là de manière très récente. Écoutez, l'homme au pullover rouge, ce fantôme, disait l'avocat général au cours du procès, inventé par la défense pour les besoins de sa mauvaise cause. On va demander au commissaire cubaine, le chef de la sûreté urbaine, le chef de cette police qui mène l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Marie Dolores. On va lui demander, et il nous répond, moi je suis retourné à la presse de l'époque, on est le 5 juin. Le 5 juin au soir, le cadavre vient d'être retrouvé. Ranucci est dans une voiture qui le ramène de Nice, de chez sa mère, à Marseille pour interrogatoire. Et le commissaire cubaine donne une interview au journal marseillais, La Marseillaise. Et il dit, le journaliste lui dit, mais vous avez des signes. Ah, mais on a mieux que ça. Car cette affaire, Rambla, a été précédée par d'autres affaires dans des cités nord de Marseille. Et un prédateur sexuel s'est attaqué à des enfants. Et comme celui qui a enlevé Marie-Dolores Rambla, il utilise le subterfuge du petit chien noir perdu qui émeut les enfants. Ce que dit Madame Mattei aussi, hein, voilà, de l'autre absolument, cité. Absolument. Et il s'attaque toujours à deux enfants. Ça peut paraître bizarre, deux enfants. Mais un enfant tout seul, un adulte qui s'approche, il se méfie. Il se souvient, on lui a dit, ne parle pas des gens que tu connais pas. Deux, on se sent plus fort. Donc, voilà. Et le commissaire cubaine dit, ça établit une évidente corrélation entre toutes ces affaires. Les affaires donc où sont mêlés l'homme au pullover rouge et l'affaire Rambla. Évidente corrélation, et ça établit en plus, dit-il, que celui qui a enlevé Marie-Dolores Rambla a agi avec préméditation, puisque auparavant il avait essayé d'enlever d'autres enfants. Voilà. Donc c'est le commissaire cubaine, le chef de la sûreté lui-même, qui établit l'existence et le rôle de cet homme au pullover rouge, dont on va dire après au procès, c'est un fantôme inventé par la défense. C'est très dommage que les avocats n'aient pas eu l'idée de se reporter à la presse marseillaise de l'époque. En se reportant à la presse de l'époque, on pêche souvent des choses très intéressantes. Mais on ne peut pas mettre en doute. L'existence. Or, tous les procès-verbaux, les dépositions des parents des enfants qui ont été agressés, des enfants eux-mêmes, etc., sont retirés du dossier. Et sous quel prétexte ? Ah ben on dit, puisque les témoins n'ont pas reconnu Ranucci, donc ça n'a rien à voir avec le dossier Ranucci. Voyez-vous ? Et alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est effectivement pourquoi tous ces problèmes d'enquête, on a l'impression qu'il y a comme une espèce de complot. Alors on va pas dire que les policiers se sont complotés, évidemment. Mais ils avaient quelque chose au-dessus d'eux. Ils avaient un contexte, ils avaient une pression politique. C'est là le cœur de l'affaire, non ? Mais évidemment, évidemment. Vous savez, chaque fois qu'il y a une collision entre les médias et la justice, c'est la justice qui reste sur le carreau. Voyez l'affaire de Bruyère-en-Artois, voyez l'affaire du petit Grégory. Attendez, vous dites les médias, le contexte politique. Le contexte le politique pouvoir, aussi. Le pouvoir veut un coupable. Ah, mais absolument. C'est pas la presse qui veut un coupable. Enfin, la presse, ah bah, écoutez, le relais, commissaire ouais. Alessandra qui a amené l'enquête me disait, toutes les heures, on avait eu un coup de téléphone de la mairie de Marseille. Il faut conclure, il faut boucler le dossier. Un coup de téléphone du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Il faut boucler l'affaire. Oui. Et puis les médias déchaînés. Pensez qu'il a fallu lancer des appels à la télévision, à FR3, pour dire aux parents, continuez à envoyer vos enfants à l'école. On va arrêter le satire. On disait le satire à l'époque. On va arrêter le satire. Les parents cessaient. Donc une émotion terrible. Et puis l'affaire Patrick Henry. Et puis l'affaire Patrick Henry, bien entendu, qui a suscité une haine, parce que l'affaire Patrick Henry, c'est sordide. Mmh. C'est pour demander une rançon. Oui. Et Patrick Henry, la famille de Patrick Henry et la famille du petit Bertrand qui l'enlève se connaissent. Les deux familles se connaissent, ils sont amis. Donc s'il relâche vivant le petit Bertrand va dire « mais c'est Patrick qui m'a enlevé ». Il peut pas le relâcher vivant. Évidemment. Donc il le tue, c'est prévu. Bon, tenons-nous-en à la thèse de l'accusation. Ranucci a été victime d'une pulsion sexuelle qu'il porte vers les enfants et puis ensuite poursuivi après l'accident, l'émotion. Bon, voilà. C'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un meurtre, un assassinat commis de sang-froid. D'autant plus que ce Patrick Henry, je crois, avait dit celui qui a fait ça, faut le condamner à mort. Ah, mais absolument, c'est ça, hein, il mérite la guillotine, il mérite la guillotine. Donc c'est une haine terrible. Mais ça commence l'affaire Patrick Henry, il y en a encore pour 2 ans. Tandis que là, on a sous la main un assassin présumé d'enfant, Christian Ranucci. Et c'est lui qui va payer pour Patrick Henry. Mmh. C'est lui qui va payer pour Patrick Henry. Et Patrick Henry, défendu par Robert Badinter, échappe à la mort. Alors, vous vous souvenez à propos de Patrick Henry, donc c'est lié à Christian Ranucci, la déclaration de l'éditorial de Roger Jiquel, qui commence son journal. Il fait un édito de 2 minutes, ce qui se ferait plus aujourd'hui. C'était un journalisme qui avait d'autres formes. Et il dit « La France a peur ». Et on a retenu cette phrase dont on a dit qu'elle était assassine, sauf que Roger Jiquel, ensuite, dans la deuxième partie de son édito, dit « Oui, mais justement, ne cédons pas à la peur ». Enfin, il dit quand même « La France a peur » à un moment où la France a peur pour de mauvaises raisons. Oui. Alors, vous avez raison de dire, il l'a dit, il a eu tort, parce que ça allait tellement dans le sens du vent. C'était pas son intention de dire. Non, c'était pas du tout. Moi, je l'ai bien connu, Roger Jiquel, et je lui ai gardé toute mon estime, parce que, effectivement, il a beaucoup combattu après, pour l'abolition de la peine de mort. Mais vous savez, c'est des circonstances, justement, de tempête médiatique, de tempête émotionnelle, et le moindre mot un petit peu de travers, ça devient quelque chose de terrible. Toute dernière chose, on a quasiment fini l'émission, dans le film de Michel Drache, la juge d'instruction, mademoiselle Di Marino, est présentée comme une furie. C'était le cas, non ? Écoutez, honnêtement, tout le monde le dit. Ouais. Tout le monde le dit, c'était une furie. Bien, Gilles Perreux, reste à vous remercier de nous avoir apporté votre éclairage. J'encourage tous les auditeurs, bien sûr, à lire Le Pullover vert rouge, qu'on trouve encore. Le Pullover vert rouge, bien sûr. Ouais. Lisez-le, c'est passionnant. J'encourage les auditeurs à lire aussi l'un de vos livres. Vous avez écrit tellement Notre ami le roi. Sur Hassan II, qui a fait une sensation quand il est sorti, parce qu'on a découvert le vrai visage de ce potentat cruel qu'était Hassan II, ses prisons, les prisons de Kenitra. Puis voilà, votre œuvre est énorme, donc j'encourage les auditeurs à aller piocher dedans. Merci beaucoup Gilles Perreault. Au revoir, merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Ranucci, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.